regardes passer les passants. Sur la place, chacun passe, chacun vient, chacun va. Sur la place, chacun passe, chacun vient, chacun va. Remplacera la garde des sonates. Il sera quand la garde montante remplacera la garde des sonates. Mais en attendant qu'il vienne, voulez-vous la peine, enfant? Voulez-vous prendre la peine d'entrer chez nous? Chez vous, oh non, pas grand merci, messieurs les soldats. Entrez sans crainte, mignonne, je vous promets qu'on aura pour votre chère personne tous les égards qui faudra. Je n'en doute pas, cependant je reviendrai, c'est plus prudent. Je reviendrai quand la garde montante remplacera la garde des soldats. Il faut préciser que la garde montante remplacera la garde des soldats. Thank you. tombante. Ce doit être Michaela. Que travaillent les cigarières? C'est là qu'on officie, et bien certainement, on ne vit nulle part, fille aussi légère. Mais au moins sont-elles jolies? Mon officier, je n'en sais rien, et moi qui passe peu de ces galanteries. Ce qui t'occupe, ami, je le sais bien. Une jeune fille charmante, on appelle Michaela. Jupe bleue et note tombante, tu ne réponds rien à cela. Je réponds que c'est vrai, je réponds que je l'aime. À tous ouvrières d'ici, quant à leur beauté, les voici. Et nombreux suivants, brune cigarière, en Thank you. surprendre, bâtir elle est sans volant. L'amour, non, tu peux l'attendre, tu ne l'attends plus s'il est là. Tourne-toi vite, vite, il vient s'en va, puis s'il revient, tu crois le tenir, il t'évite, tu crois l'évite, il te tient. Tiens! L'amour est en feu de bon.